notre père meurt à 50 ans. Du coup, vous regrettez de pas avoir été plus patient et d'être resté fâché. Votre mère vous rassure, il vous aimait toujours. Il avait même regardé votre film, Le Paysan Labour. Du coup, pour qu'il soit fier, vous vous dépassez, vous décrochez des rôles, et cette fois, habillé. Voilà, c'est fini. Mais pour vous récompenser, vous pouvez aller en plage 36 pour écouter ma première chanson.